Rouge supports the production. Vous écoutez l'émission Chérie, m'écoutes-tu? Sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Sophie Laforêt de retour au micro pour une émission spéciale aujourd'hui composée de nouveautés notamment. Et oui, après une semaine d'absence, la semaine dernière j'étais en repos forcé après une semaine au jeu de la communication à Moncton. Ça a été une belle expérience pour moi. Et je sais qu'à la dernière émission, j'avais proposé ou plutôt promis de faire une émission spéciale avec les propositions musicales de mes collègues communicateurs du Québec et de Moncton, donc du Nouveau-Brunswick. Mais je vous dirais que ça ne s'est pas prêté à cela. J'avais pas bien cerné la chose. Donc, on avait un horaire très chargé. Et puis, donc, ça n'a pas été évident de faire ça. Alors, aujourd'hui, ça va être mes propositions musicales à moi, comme à l'habitude, une émission sans thématique spéciale. Et sans plus tarder, on va tout de suite aller écouter un premier extrait, une nouveauté. Et là, je suis un peu énervée parce que, en fait, je pensais vous proposer un extrait sonore puisé directement sur Internet. Et là, j'ai vu qu'on avait reçu en studio l'album dont il est question, soit le deuxième album de Tricot Machine. Et je sais que les critiques sont mitigées à leurs égards et qu'il y a des gens qui aiment et qui n'aiment pas. Bien, moi, je fais partie des gens qui aiment ce duo, donc ce couple musical composé de Catherine Leduc et Mathieu Beaumont qui forment Tricot Machine, formation qui est originaire de Trois-Rivières mais qui est actuellement basée à Montréal. Donc, je vous propose un premier extrait de cet album. Donc, le vidéo est disponible actuellement sur la page Facebook du groupe. Et on va probablement entendre un deuxième extrait de cet album-là aujourd'hui parce que j'ai vraiment hâte de l'entendre. Donc, on va l'entendre tout de suite, la pièce « Défier les rites » que j'ai eu la chance donc d'entendre de cet album-là sur Internet. Et plus tard, on en entendra un autre. Tout ça à l'émission « Chérie, m'écoutes-tu » en ce 15 mars pour ceux qui nous écoutent en direct. Et vous êtes avec Sophie Laforêt jusqu'à 15h sur les ondes de C'est fou 89.1. picture downstairs in a bar and her. Your roll-up sleeves and your sculpted shirt. You say, why did you do it for him today? And sniff me out like I was Tanqueray. Cause you're my fellow, my guy. And these tell fly by the time I'm happy. I cheated myself like I knew how I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Upstairs and back with my ex-boy. Here's no place that I can get joy. Thinking of going to find a way. Chips and pita. So say when we're married, cause you and I'll be out. There will be none of him no more. Cry for you on kitchen floor. I shit myself like I knew I would. I told you I was trouble. You know that I'm no good. Day one. c'était la formation Monogrenade avec la pièce Le Pantin, tirée de leur mini-album La Saveur des Fruits. C'est une formation donc qui vient de Montréal et qui fait dans un rock avec des arrangements assez électroniques, comme vous avez pu l'entendre, une formation que j'aime bien. Ils étaient d'ailleurs en spectacle en fin de semaine, samedi, le 13 mars, au Quai des Brumes, en compagnie de Waving Hand, qui est une formation trio de Québec, plutôt, et également avec la formation Who Are You, qui nous vient de Québec également. Et mes plans étaient, en fait, de m'y rendre, mais finalement, ça n'a pas été possible. J'aurais bien aimé voir ces trois formations que j'aime particulièrement, de belles découvertes que j'ai faites cette année en 2009. Et pour ce qui est de Monogrenade, je vais juste vérifier, je crois qu'il n'y a pas de date de spectacle actuellement. Donc, leur seule date de spectacle, c'était justement le 13 mars au Quai des Brumes. Donc, je viens de vérifier, c'était bien le cas. Et également, ils sont présentement au deuxième rang du palmarès des 14e Francouvertes qui se déroule actuellement jusqu'au 3 mai au Lion d'Or, d'une part. Donc, présentement, les préliminaires ne sont pas encore terminés. Et c'est un concours, en fait, de la relève francophone. Et donc, présentement, donc en date de lundi dernier, ils étaient en deuxième position, puisque ce soir, donc comme à tous les lundis, il y a trois formations qui s'affrontent. Oui, on peut dire ça comme ça, puisque c'est un concours, donc au Lion d'Or. Pour ceux qui sont intéressés, c'est seulement 6 $ pour découvrir trois formations. Et ce soir, il y a Max Ricard, qui est un artiste que je ne connais pas, qui fait dans un folk rock intéressant tout de même. Vous pouvez aller entendre un extrait sur le site des Francouvertes. Et il y a également Violette P, qu'on va entendre un peu plus tard dans l'émission. Et il y a bien sûr Bernard Adamus, qu'on commence à entendre, entre autres, assez fou, mais aussi ailleurs, et qui se fait remarquer dans divers médias. Donc ça, c'est ce qui est pour les Francouvertes, donc qui ont lieu lundi, ce soir, les lundis, au Lion d'Or. Avant ça, on avait une formation de Paris, donc une formation française qui s'appelle Mondrian, avec une reprise d'une pièce de Amy Winehouse, donc la pièce « You know I'm no good ». Et c'est une formation que j'ai découverte grâce à mon blog, blog de l'émission en fait, parce que le groupe a laissé un commentaire, donc ils m'ont proposé d'aller entendre ce qu'ils font. Et j'ai vraiment apprécié, donc, outre le fait justement qu'ils m'ont contacté, là, indépendamment de cela, c'est vraiment une très belle découverte. Donc, c'est une formation, comme je le mentionnais, qui fait dans le rock pop et qui est basée à Paris. Et donc, ils ont plusieurs vidéoclips. En fait, ils en ont 3 ou 4 qui accompagnent leur musique. Et c'est de très beaux vidéos, donc, qui sont bien, très bien faits. Moi, j'ai beaucoup apprécié, entre autres, la pièce Love as a Collision, donc, qui est sur leur MySpace notamment, qui est le www.myspace.com/pop. Mondrian, donc je vais vous l'appeler Mondrian. Donc, une belle découverte. Et j'ai opté pour cette reprise de Amy Winehouse, bien que je ne connaisse pas, je crois pas en fait avoir entendu l'original, mais j'aime beaucoup donc cette pièce qui est proposée par Mondrian. Et au début de ce bloc, on avait la formation, ou plutôt le duo Tricot Machine, avec un extrait de leur nouvel album. Un nouvel album qui va paraître demain, mardi le 16 mars. Et il s'appelle « La prochaine étape ». La pièce qu'on a entendue s'appelle « Défier les rites ». Et c'est une pièce qui était en écoute, qui était disponible en écoute sur le tricotmachine.ca ou sur le site de Grosse Boîte, qui est donc leur étiquette de disque. Et comme je le mentionnais, peut-être qu'un peu plus tard dans l'émission, on entendra un deuxième extrait parce que j'ai bien hâte de découvrir cet album. Et à mon arrivée au studio, j'ai vu qu'on avait reçu donc une copie de la formation. Et oui, donc un projet qui semble intéressant, qui va être différent un peu du premier si on se fie à l'extrait qu'on a entendu. Ce que j'ai toujours aimé de la formation, moi, c'est les textes. Donc autant que ça déplaît certains auditeurs, ça déplaît donc à certaines personnes, moi, ça me plaît beaucoup. Je trouve qu'ils ont un côté naïf et sensible en même temps. Donc se prennent pas nécessairement très au sérieux. Puis c'est un côté qui me plaît parce que je pense que des fois, on écoute de la musique pour diverses raisons. Donc, quand j'écoute Tricot Machine, habituellement, ça me met de bonne humeur. Alors, voilà, c'était ce qui conclut ce bloc musical. Dans le prochain bloc, on va se diriger dans une autre ambiance, donc avec des trucs peut-être un peu moins relevés. Relevés à leur façon, mais d'une toute autre façon. Tout d'abord, avec une découverte qui m'a été proposée par mon collègue Jean-François Fecteau, qui anime le vestibule les samedis assez fous, donc les samedis de 21h à 23h. Et c'est la formation Dark, Dark, Dark. C'est une formation américaine, donc, ils ont fait paraître mardi dernier un deuxième mini-album qui se nomme Bright, Bright, Bright. Donc, on voit un peu le lien entre le titre de l'album et mais le titre du groupe, bien sûr. Et donc, on attend toujours un deuxième album complet pour cette formation que je découvre actuellement. Donc, ça a été une très belle découverte. On va entendre tout de suite donc un extrait de ce mini-album qu'ils ont proposé mardi dernier, la pièce Bright, Bright, Bright. Tout ça dans le cadre de l'émission Jérémy Coutu avec Sophie Laforêt jusqu'à 15h. Easy enough to see. You always cared for me, and I pushed you in the dark. And I wanted to tell you, I wanted to tell you, but I lied. Oh, I lied. d'entendre la formation Broken Bells, qui est un duo de New York composé du producteur Brian Burton et de James Mercer. Et donc, pour ce qui est de James Mercer, c'est le chanteur de la formation de Shins, pour ceux qui connaissent, qui fait dans l'indie rock, mais quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus ambiant que ce qu'on vient d'entendre. En fait, ambiant, pas au sens électronique, là, mais une musique qui pourrait très bien se prêter à de la musique d'ambiance, donc plutôt. Et donc, leur album éponyme de Broken Bells est paru le 9 mars dernier, soit mardi dernier. Et ça a été une belle découverte pour moi. J'écoute habituellement, en fait, la pièce qu'on a entendue, c'est bon, quand même un mélange de trucs qui peuvent ressembler à ce que j'écoute. Le début de la pièce me faisait étrangement penser à une pièce de The Cure. Là, je pourrais pas vous dire comme ça laquelle. Mais il y a des sonorités là, qui reviennent puis qui nous ramènent justement à des formations qui sont apparues un peu plus tôt, si on veut. Et donc, c'est ça, Broken Bells. Mais sinon, les autres pièces qui figurent sur cet album-là sont un peu plus funk, des fois avec des sonorités qui vont même jusqu'au hip-hop, trip-hop. Donc, c'est beaucoup plus... en fait, c'est différent de ce que je peux aimer écouter. Mais c'est cette pièce-là, donc, qui a attiré mon attention sur l'album. La pièce se nomme Mongrel Heart. Donc, de la formation Broken Bells, de leur album éponyme qui est paru mardi dernier. Une belle découverte et je vous conseille d'aller sur leur site internet, le www.brokenbells.com, et vous pourrez télécharger la pièce High Road, qui est leur premier extrait, donc sur leur site web gratuitement. Avant ça, on avait la formation Éléphantine avec la pièce « Je n'existe qu'en marchant ». J'avais jamais pris le temps d'écouter cet album-là d'Éléphantine. Les pièces qu'on a entendues sur le palmarès de C'est fou me plaisaient bien, mais pas assez pour que j'aie vraiment envie de me procurer l'album donc de façon personnelle. Donc, j'ai pris l'album une fois qu'il a quitté le palmarès donc de C'est fou pour l'écouter. Et la pièce « Je n'existe qu'en marchant » a été la pièce qui a attiré davantage mon attention. J'aime beaucoup la façon dont elle est construite musicalement. J'aime beaucoup les arrangements. Donc, autant les guitares que les synthétiseurs, je trouve qu'elles sont très bien agencées. Puis, ça donne une pièce qui peut ressembler justement à des groupes qui nous proposent de la musique un peu plus introspective. Donc, j'ai bien aimé cette pièce, « Je n'existe qu'en marchant », tirée du premier et unique album de Éléphantine. L'album se nomme « Le bonheur en 3D ». Et au début de notre bloc, on avait la formation américaine Dark, Dark, Dark avec la pièce Bright, Bright, Bright, tirée d'un mini-album du même nom. Et donc, c'est ce deuxième mini-album que propose le groupe en attente d'un deuxième album complet qui devrait paraître prochainement. En fait, j'ai pas vraiment vérifié, mais habituellement, quand on lance un deuxième mini-album, ça annonce un deuxième album complet. Mais qui sait, peut-être que ce ne sera qu'un mini-album. Et c'est ce qui complète ce bloc, donc deuxième bloc de l'émission « Chérie m'écoute-tu ». Sophie Laforêt au micro avec vous jusqu'à 15h. On va se quitter le temps d'une courte pause et au retour, on revient entre autres avec un bloc électronique qui va être composé d'artistes francophones et anglophones. Tout ça sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. C'est fou, comme à la radio. 89.1. La vérité est délicate. Elle glisse entre tes petits doigts comme une goutte d'eau qui roule sur ta joue. Le brouillard tombe sur Edo. Tout seul, sous des masques, les gens passent, disparaissent, ne laissent pas de traces. Des êtres au fond de tes yeux qui se mirent et désirent voler ton esprit. d'entendre la pièce Blessa de l'artiste Toro y Moi, ou peut-être que je dois le prononcer avec un certain accent, Toro y Moi, j'en ai aucune idée. Et c'est tiré de son premier album, donc c'est en fait. Qui est ce Toro y Moi? C'est le projet de l'artiste américain Chazwick Bondick. Et donc, c'est le vrai nom de l'artiste. Et ça vient de son premier album qui se nomme Causers of This, qui est paru le 4 janvier dernier. Et l'artiste est en fait designer graphique de formation, mais s'est lancé dans la musique dans un style électro-expérimental psychédélique. Et donc, un projet américain qui vient tout juste de naître. Et moi, j'ai découvert ça à cause de qui? Quand je suis allée voir le spectacle de Taken by Trees, qui est une artiste suédoise que j'ai vue au Il Motor à la fin février, elle a remis aux gens qui achetaient un de ses disques à elle une compilation des influences du moment qu'elle avait. Donc ça, c'était là-dessus. Donc il y avait sur cette compilation cette pièce de Toro y Moi. Donc c'est comme ça que j'ai découvert le projet et j'ai entendu d'autres extraits. Et pour ceux qui aiment le genre, eh bien ça ressemble à ce qu'on a entendu. Donc des pièces décousues, mais qui ont quand même un aspect mélodique intéressant. Donc j'ai bien aimé cet extrait. Donc Blessa de l'artiste Toro y Moi de l'album Causers of This. Avant ça, on avait le projet néo-zélandais Bachelorette, donc qui fait dans l'électro-pop planant avec une touche de psychédélisme. Et comment j'ai découvert Bachelorette, c'est qu'en fait, c'est elle qui va assurer la première partie du duo américain Beach House le 29 mars prochain à la Sala Rosa de Montréal. Et comme je serai de la partie, j'ai été intriguée de savoir qui était cette première partie. Et j'ai bien aimé donc son album My Electric Family, donc album duquel est tiré l'extrait qu'on a entendu qui se nomme Her Rotating Head. Et donc l'album, c'est pas son premier album, je crois que c'est son deuxième album, puisque en 2008 elle avait fait paraître un album qui s'appelait Isolation Loops. Donc malheureusement, j'ai pas l'information, j'ai eu de la difficulté à trouver beaucoup d'informations sur ce projet-là. Donc, je crois que c'est son deuxième album. Donc, l'album My Electric Family. Avant ça, on avait le projet montréalais Les Incendiaires avec une pièce tirée de leur album No Mono Aware, qui est le deuxième album donc du groupe. La pièce qu'on a entendue s'appelle Casa au Bac. Et si vous avez aimé l'extrait entendu, vous pouvez vous rendre sur le www.lesincendiaires.com et sur la page d'accueil, vous avez un lien pour télécharger cet album-là gratuitement et au complet, donc via le Bandcamp, qui est un site qui permet aux artistes de mettre en ligne leur disque, en fait, leur pièce en téléchargement gratuit. Et donc, c'est une formation rock-pop New Wave de Montréal. Et ils vont être en spectacle le 20 mars prochain à l'Escogriffe de Montréal en compagnie de la formation Pom Pom War, qui est une formation que je ne connaissais pas. Et je suis allée entendre leur MySpace, donc le myspace.com/pompomwar. Et c'est une formation qui fait dans un New Wave garage, eux aussi, mais un peu plus trash que ce que proposent les Incendiaires, mais c'est tout de même intéressant, avec la voix d'une fille, donc plutôt. Et donc, c'est ce qui complète ce bloc électronique composé d'artistes francophones et anglophones. On va se diriger vers un tout autre genre musical, soit le folk un peu country. Et on va commencer avec tout de suite le projet avec Podcast, donc, qui fait dans ce genre avec des paroles toujours bien cocasses. Donc, ce trio, je crois, donc, sont rendus trois. Au début, il était deux, mais là, je pense qu'il était quatre, puis là, ils sont rendus trois. En fait, peu importe, on va entendre la pièce « L'éclaircie » de Pauline de la formation avec Podcast, tout ça dans le cadre de l'émission « Chérie m'écoute-tu » avec Sophie Laforêt jusqu'à 15h. Il y a des dodos dans ta cabine, il y a des échangeurs au fond de tes mains. Si tu mets le doigt sur ce qui t'abîme, peut-être que j'irai y mettre mon poing. C'est un chèque dans une carte faite. yeux veulent voir, tes yeux voient noir. Sans faire un plat, elle s'enfuyait avec mes yeux dans ses mains. Mes yeux veulent voir, tes yeux voient noir. I will reap the locust crop, 'cause I love you like a mountain. Oh, the mountaintop. Oh, the bleeding stop, and down goes the hatchet, the chopping block, 'cause I love you like a mountain. Oh, the human race. Oh, the prophet's face, and all God's people find their place, and I love you like a mountain. And out in the woods, lightning struck, I saw death in the eye of a buck, tied to a tree, drowned in the muck. Everything had changed, and we grew up with birds and bees. We'd go swimming, we'd climb trees, and we would skate when the ice would freeze. We came up the same, we were both the same. Oh, the mountaintop. Oh, the vision stopped, and I will reap the locust crop, 'cause I love you like a mountain. Space and all God's creatures find their places. I love you like a mountain. I love you like a mountain. I love you like a mountain. On vient d'entendre Timbre Timbre, projet solo accompagné de musiciens de Toronto qui fait dans le folk blues. Et c'est un extrait tiré de leur deuxième album Medicinals qui est paru il y a quelques années. Et donc, quelques dates au Québec pour Timber Timbre avant de se rendre en Angleterre. Donc, ils vont être notamment à Rimouski le 21 avril, à Sept-Îles le 22 avril, à Baie-Comeau le 23 avril, ensuite à Québec le 25 avril et le 29 avril, ils seront à Montréal au La Tulipe. Donc, comme je le mentionnais, pour 5 spectacles avant de se diriger vers l'Angleterre et peut-être une tournée européenne. Donc, les dates n'allaient pas au-delà du mois de mai, donc début mai. Et donc, si vous voulez voir quelques vidéos de Timber Timbre, vous pouvez vous rendre sur le blog de l'émission, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com et rendez-vous au billet du 29 novembre. Donc, j'avais mis en ligne 3 vidéos que j'appréciais particulièrement de ce projet, dont le vidéo Demon Host, qui est un très beau vidéo, donc très bien filmé de Timber Timbre. Avant ça, on avait Philippe B., qui reprenait une pièce d'une formation que vous avez peut-être connue et en fait que vous connaissez déjà et que vous connaîtrez encore, on l'espère. Et peut-être que vous avez reconnu cet extrait, Fille à plumes, donc de la formation Malajube qui était repris par Philippe B. Ça a été fait dans le cadre des 5 ans de la maison de disques Bon Sound, donc qui a sous ses plumes, parlant de filles à plumes, Philippe B. et Malajube. Et donc, pour souligner les 5 ans de l'étiquette, puisque Bon Sound est à la fois une étiquette et une maison de disques, et une agence d'artistes et une agence de relations de presse, et nommez-en, ils font plusieurs choses. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est que pendant un an, donc pendant cette année-ci, l'année 2010, à chaque mois, il va y avoir un extrait qui va être mis sur le site Bon Sound, donc le www.bonsound.com/5 ans, donc 5 écrits en chiffres et 5 ans. Donc voilà. Et à chaque mois, donc au début du mois, il y a un artiste qui reprend une pièce d'un autre artiste qui est sous l'étiquette de disque Bon Sound. Et ça a été le deuxième extrait qui a été mis en ligne. Donc Philippe B. qui reprenait Fille à plumes de Malajube. Mais sinon, du côté de Philippe B., c'est un artiste qui fait de la musique pop avec des arrangements souvent acoustiques et électroniques et électriques. Et il est originaire de la Abitibi. Il y a déjà 2 albums en banque, donc, dont son plus dernier, son plus récent. Son dernier, son plus récent. Voilà, je m'enfarge dans mes mots, comme on dit en français. Et donc, c'est ça, l'album s'appelle Taxidermie, un album que j'ai bien aimé, mais Philippe B. N'est pas un des artistes que j'apprécie particulièrement, bien que je suis capable de reconnaître que ce qu'il fait, c'est très bon, mais ça ne me touche pas personnellement. Donc, voilà. Et il va être en spectacle le 8 mai prochain au Théâtre du Rift à Ville-Marie, donc une ville tout près de l'Ontario. Donc, ce n'est pas le quartier Ville-Marie à Montréal, mais bien la ville Ville-Marie. Et au début du bloc, on avait avec Podcast, avec un extrait tiré de leur 3e album, Dans la nature jusqu'au cou, un album qui est paru en 2008. Et donc, c'est une formation qui propose un folk country, et donc avec toutes ces sonorités-là, avec des textes toujours très absurdes, donc formation qui nous vient de Montréal. Et je suis allée voir s'il y avait des dates de spectacle d'annoncer, et c'est pas le cas. Sur leur MySpace, en fait, qu'on arrive sur la page d'accueil, c'est indiqué « repos ». Tout simplement. Alors, j'en ai déduit que le groupe était au repos. Ça dit tout. Donc, c'est ce qui complète ce bloc à saveur folk country à l'émission chez Rémi Coutu. Et on va se quitter le temps d'une courte pause pour laisser place à nos commanditaires. Et au retour, on revient encore une fois dans une autre ambiance avec des groupes qui vont proposer un rock plus expérimental, tiens, donc plus ambiant également. Et on se retrouve de l'autre côté de la pause avec la formation Château, qui est une formation qui nous vient de Shawinigan, bien qu'elle est actuellement basée à Montréal, mais on en reparlera plus tard. Donc, on écoute cette pause. Vous écoutez, c'est vous, We shape this place for our greeds and our needs. On vient d'entendre la formation Vanesse Pariétaire avec l'extrait qui se nomme Archipel, oui, bien sûr. Et c'est d'un album à paraître, donc présentement, il n'y a pas de disque sur lequel on retrouve cette pièce-là. Ça va être sur un album qui s'appelle Provisoirement, Ta dépendance. Et je vous rappelle que vous pouvez toujours télécharger le premier album de Vanesse Pariétaire qui se nomme La mer était vide sur leur site internet, soit le www.vanessepariétaire.com. Donc V-A-N-E-S-S-E, Vanesse. Pariétaire, P-A-R-I-E-T-A-I-R-E. Voilà. Et donc, il n'y a aucune date de spectacle prévue actuellement pour le groupe. Et ça reste à voir. Et présentement, il y a une de leurs pièces qui est de retour sur le palmarès. La pièce Grivresse, donc, qui se retrouve sur une compilation offerte par les Frères du Son. Et donc, c'est un projet intéressant également. Ça aussi, les Frères du Son, vous pouvez les retrouver sur Internet au frèresdusson.com et sur Facebook également. Donc, on a reçu un album avec des nouveautés de plusieurs groupes qu'on aime bien, dont Vanesse Pariétaire, Le Husky. Il y a également, qu'est-ce qu'on a entendu? Qu'on a entendu, qu'on aimait de ça. Oui, Monogrenade, L'Indice et Antoine Corriveau, donc des bonnes pièces. Il y en a d'autres aussi, je vous en nomme que quelques-unes seulement. Avant ça, on avait Waving Hand, un trio de Québec qui en fait ma découverte coup de cœur des dernières semaines. C'est pour ça qu'on en entend, on en a entendu aux dernières émissions de Chérie m'écoute-tu. Donc, c'est un troisième extrait que je vous propose dans le cadre de l'émission. Et la pièce se nomme Abandon Church, tirée de leur mini-album Places. Et c'est vraiment un mini-album excellent composé de 6 pièces vraiment singulières et différentes les unes des autres. Et donc, c'est un projet à découvrir. Vous pouvez les entendre sur leur MySpace. Vous pouvez entendre les 6 pièces intégralement sur le myspace.com/wavinghand. Donc, très beau projet à découvrir. Au tout début du bloc, on avait une formation qui nous vient de Shawinigan, donc pas très loin d'ici. La formation Château, qui s'écrit pas d'accent, donc pas d'accent sur le A de Château. Et c'est une formation de rock expérimental qui est actuellement basée à Montréal, bien qu'il provienne de Shawinigan, comme je le mentionnais. La voix du chanteur est particulière, donc le chanteur Fred Boisclair qui dirige cette formation-là, mais il y a également un projet solo, donc il dirige de son côté. Et ce que j'aime de sa voix, je pense, c'est son côté à la fois feutré, mais en même temps puissante et perçante. Et ça me rappelle, entre autres, la voix du chanteur de Coldplay. Donc, c'est une similitude quand même qu'on peut remarquer. Mais on dirait que c'est le chanteur de Coldplay qui nous chante une chanson qui ressemble plus à Radiohead ou quelque chose du genre. Donc, pour ceux qui aiment l'un ou l'autre de ces groupes et pour des raisons différentes, ça peut être un projet qui peut vous intéresser. Donc, Château et leur MySpace, c'est le myspace.com/château. Donc, écrit 3 fois, sans accent toujours. Et on a reçu en studio récemment un mini-album de cette formation. Donc, un mini-album qui est en anglais entièrement. Et ça me plaît bien. Donc, j'en ai fait l'écoute et je vous proposais aujourd'hui la pièce Give, tirée d'un mini-album éponyme de Château. Alors, c'est ce qui complète ce bloc. Et là, encore une fois, un revirement de situation musicale. On va se diriger vers quelque chose de beaucoup plus funky, de beaucoup plus relevé. On va l'entendre un extrait du dernier disque de Radio Radio. Et je fais un mea culpa, en quelque sorte. Moi, je n'aime pas habituellement le hip-hop et le rap. Mais je ne sais pas pourquoi Radio Radio ont cette énergie, cette folie qui me plaît bien, cette absurdité aussi. Je sais pas, je pense qu'un groupe se prend pas au sérieux et qui réussit à proposer quelque chose de très, très énergique, ben ça me plaît souvent beaucoup. Et là, j'ai entendu, on a fait passer en fait la semaine, pas dernière, l'autre d'avant, la pièce Guess What. Et là, j'ai envie de vous partager une pièce que j'ai écoutée récemment grâce à son nom. Donc, la pièce se nomme Kenny G Non-Stop. Et on se souvient que Kenny G est un saxophoniste, un saxophoniste, j'ajouterai pas de qualificatif. Et donc, ça m'a fait bien rire, ce titre de pièce-là, et j'ai bien aimé la pièce également. Donc, on va alors entendre la pièce Kenny G Non-Stop de la formation Radio Radio, formation qui nous vient du Nouveau-Brunswick, mais qui est maintenant basée à Montréal, de leur deuxième album Bel Mundo Regal. Tout ça dans le cadre de l'émission Chérie m'écoute-tu en compagnie de Sophie Laforêt jusqu'à 15h pour ceux qui nous écoutent en direct et pour ceux qui nous écoutent en rediffusion. Ça se passe le mardi jusqu'à 19h sur les ondes de C'est fou 89.1. Candy G non-stop. Ah yeah, sick and so. I want some candy G non-stop. Sick and so. Some candy G. Sick and so.

secrecy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. On vient d'entendre M.I.A. de son vrai nom, Matangi Maya Arus Pragasam. Voilà, tout simplement. M.I.A. qui veut dire Missing in Action. Donc, une artiste engagée qui est d'origine sri-lankaise, donc pays qui, comme on le sait, a été victime de plusieurs guerres et des guerres qui ont été longues également. Donc, une artiste engagée. J'ai eu la chance de la voir en spectacle il y a quelques années et elle en a parlé beaucoup de ça, justement, que c'était... C'était quelque chose de vivre dans un pays où il y a la guerre et de devoir finalement justement faire son chemin. Elle habite plus là, bien sûr, mais il y a plusieurs... Elle dit qu'elle avait encore de la famille, donc qui était au Sri Lanka. Et bref, une artiste intéressante qui propose une musique, comme je le mentionnais, engagée, qui est un mélange de plusieurs styles. Donc, on a là-dedans du hip-hop, du reggae, du dance, de l'électro, du funk, puis un petit côté tribal, donc, qui revient dans la majorité de ses pièces. Ce qu'on a entendu, c'était la pièce Paper Planes, qui est tirée de son deuxième album Kala, donc un deuxième album qui m'a bien plu, autant que son premier Aroulard, donc qui était un album qui a fait beaucoup parler à son arrivée... Donc, sur les tablettes des magasins, pour un style qui était différent de ce qu'on avait eu la chance d'entendre avant. Donc, probablement dû au fait que c'est un amalgame de plusieurs styles musicaux différents. Donc, voilà une pièce qui est sans doute la plus connue, justement, de ce deuxième album-là. La pièce Paper Planes qu'on vient d'entendre. Avant ça, on avait Santi Gold, qui est une chanteuse, compositrice, productrice aussi américaine, qui nous vient de Philadelphie, plus précisément. Et c'est un extrait tiré de son premier album, la pièce C'est Aha. Voilà, de son album éponyme qui est paru en 2008. Et ça m'a pris du temps avant de découvrir cet artiste-là. Je ne sais pas pourquoi, justement, j'avais l'impression que ça ressemblait beaucoup à M.I.A., ce qui n'est pas totalement faux, mais ce qui n'est pas totalement vrai non plus. Donc, je pense qu'elle a son style bien à elle aussi. Et elle a dû également changer de nom en cours de route. Au début, son nom, c'était Santo Gold. Et là, il y a un autre artiste qui se nommait comme ça auparavant. Donc, il a... qui lui a demandé, je ne sais pas s'il a demandé poliment, en tout cas, il lui a demandé de changer de nom. Et elle a changé, elle a troqué le O pour le I, ce qui donne Santi Gold. Et elle a été de passage également à Montréal l'année dernière. Je peux aller la voir, par contre, mais on m'a dit que c'était un excellent spectacle. Il y a des amis à moi qui sont allés la voir et on m'a dit que ça bougeait pas mal. Donc, Santi Gold avec la pièce C'est Aha. Et au début du bloc, on avait un extrait du dernier album, du plus récent album de Radio-Radio, Formation Chiac, que j'aime bien. Donc, on a entendu la pièce Kenny G Non-Stop. Et donc, ça me plaît bien. Et sur cette pièce-là, ils sont accompagnés de la chanteuse Whitney Lafleur. Et c'est quelqu'un que je ne connais pas du tout, Whitney Lafleur. Donc, je vais aller voir tantôt si elle a un MySpace ou quelque chose du genre. Donc, une pièce qui m'a bien fait rire, Kenny G, qui est ce saxophoniste que mes parents aimaient bien, notamment. Et l'extrait est tiré de leur album Bel Mundo Regal, donc un deuxième album qui est paru il y a quelques semaines, le 2 mars, si ma mémoire est bonne. Et c'est ce qui complète ce bloc un peu plus relevé, un peu plus hip-hop, un peu plus funky aussi. Et j'ai envie de proposer un artiste que je ne connaissais pas avant il y a quelques jours seulement, soit le projet Violette P. Et ça s'inscrit dans le cadre des Francouvertes, j'en ai parlé tantôt en début d'émission, qui est un concours de l'alternative musicale francophone qui se déroule à Montréal, donc au Lion d'Or principalement pour ce qui est des préliminaires. Et donc ça a débuté lundi le 8 février et les préliminaires se terminent le 22 mars. Et à chacune des soirées, il y a trois formations qui sont proposées. Et parmi ces formations-là, il y en a qu'on connaissait déjà ici, assez fou notamment, très bien, dont Méta Gruau, qu'on connaissait, qu'on faisait jouer également. Mono Grenade aussi depuis quelques temps, Shampoing. Il y avait également Jésus les filles qu'on a déjà entendu à Chérie m'écoute-tu. Donc Kaloun Saloun aussi qu'on a entendu et Bernard Adamus comme je le mentionnais plus tôt qui est déjà bien connu. Donc c'est un peu étonnant qu'il fasse partie de ce concours de la relève francophone. Donc en tout cas c'est de l'alternative musicale quoi qu'il en soit. Et le projet dont il est question dont je veux que je vais vous faire jouer une pièce donc c'est Violette Pie et il va être ce soir au Lion d'Or pour la première ronde de préliminaire, il va être en compagnie de Max, en compagnie plutôt contre ou en compétition contre Max Ricard et Bernard Adamus. Et Violette Pie, j'ai aimé la pièce, j'ai trouvé ça très accrocheur. Je devrais entendre ce qu'il fait aussi en dehors de cet extrait-là pour voir si vraiment j'accroche à ce projet-là. Mais la pièce, vous allez voir, est étonnante, ça varie beaucoup, c'est très dynamique aussi. Donc, on va entendre la pièce Biscuit chinois de ce projet Violette Pie. Donc, qui s'inscrit dans le cadre des Francs ouvertes. Donc, on va entendre ça tout de suite. Et ce sera suivi de d'autres découvertes musicales. Et qui sait, on aura peut-être droit à ce deuxième extrait de Tricot Machine, donc de leur nouvel album, La Prochaine Étape. On a entendu un premier extrait en début d'émission vers 13h. Et j'avais promis de vous partager un deuxième extrait puisque l'album sera en magasin seulement demain, mardi, le 16 mars. Mais pour l'instant, on écoute Violette Pie. Mon dernier délire, le sang web de tes rires. Un carré de soleil sur mon lit. Découpé d'une fenêtre et d'un store accroupi. Nos deux yeux bleus sont fermés à demi. De jets de lumière, de chaleur, tu souris. Aujourd'hui j'ai craché dans les airs. Heureusement qu'il y avait du vent. Ma salive a fait le tour de la terre. Est venue se planter dans tes dents. Ça j'ai cassé ton cœur en un million de miettes de biscuits. J'espère qu'il était chinois. Chaque c'est le projet Violette Pi dans le cadre des Francs ouvertes qui se déroulent à Montréal. Donc, un projet fort intéressant. J'aime bien la sonorité. C'est très, très énergique. Vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc, ce projet qu'on va, dont on va probablement entendre parler prochainement aussi, dépendamment de ce qui va se passer pour lui dans le cadre de cette compétition. Est-ce qu'il terminera premier? Et il va être ce soir au Lion d'or, donc à 20h, pour les intéresser au coût de 6$ en compagnie de Max Ricard et de Bernard Adamus. Et on se quitte le temps d'une courte pause. De retour à l'émission Chérie m'écoutes-tu en compagnie de Sophie Laforêt encore pour plus d'une quinzaine de minutes. Et comme je le mentionnais plus tôt, j'ai bien envie de découvrir en même temps que vous un nouvel extrait du deuxième album de Tricot Machine. Et là, je suis allée un peu au hasard, donc avec la pièce numéro 9 qui se nomme « Comme un accident ». Donc, on va entendre ça en simultané ensemble. Donc, comme je vous dis, je n'ai pas entendu cette pièce et on en rediscute peut-être. Je vous donnerai mes commentaires après cette écoute et ce sera suivi par la suite d'encore quelques pièces avant de céder la place à Mathieu Ikiwan pour Assemblage requis. Donc, on entend la pièce « Comme un accident » de Tricot Machine. Sans cogner, sans sonner, sans appeler, sans même avoir télégraphié, t'es débarqué sans rendez-vous, t'as fait comme chez vous. T'es arrivé comme un accident. Juste au bon moment, quand tout tenait qu'à un fil en plein dérangeant, avant que je prenne le champ. Simplement, sans comment ni pourquoi, avec du présent. Plein les bras, t'es rentré dans mon cœur, mes os. Donc, il s'agissait de ce deuxième extrait de la formation, ou plutôt du duo, ou plutôt du couple musical, Tricot Machine. Et leur deuxième album, La Prochaine Étape, va paraître demain, mardi le 16 mars. Et on vient d'entendre la pièce Comme un accident. Et donc, comme je vous disais, je viens d'entendre cette pièce-là pour la première fois en même temps que vous. Et j'aime bien. Je dois dire que je suis vraiment contente de voir que Tricot Machine est resté, comment je pourrais dire, d'une certaine façon, authentique. Moi, j'ai quand même lu des critiques assez ardu, assez dur à leur égard, donc concernant leur premier album. Puis là, je me disais, avec un deuxième album, est-ce qu'ils vont proposer quelque chose de différent ou est-ce qu'ils vont s'en aller vers d'autres avenues? Ce que je remarque, c'est vraiment peut-être une complexité musicale un peu plus poussée, en fait, plus poussée, pas juste un peu, que le premier album, des arrangements plus étoffés. Sinon, je suis contente de voir, c'est ça, qu'ils ont gardé vraiment l'approche qu'ils avaient, donc des textes, encore une fois, qui sont naïfs, mais qui sont remplis d'espoir. Et non, j'aime ça, j'aime beaucoup. Et pendant que j'écoutais, je regardais également la pochette qui est très belle, je la trouve vraiment jolie. Donc, il y a des bricolages sur le dessus. Donc, c'est sûr que Tricot Machine a gardé ce côté enfantin qu'on leur connaît. Et à l'intérieur, donc, on voit différentes étapes pour réaliser un bricolage. Donc, probablement, d'où le titre de l'album, La Prochaine Étape. Et même, dans la pochette finale, il y a vraiment des bricolages à faire. Donc là, on a une trousse, plutôt une boîte d'allumettes, un cœur. On a une petite voiture avec une languette. On a une bernache. On a ensuite un radar, un bout ensemble. OK, en fait, c'est les titres des pièces, donc avec un bricolage qui est associé. Il y a même la pièce 6 qui s'appelle Barlette, avec un bricolage de Mathieu. Donc, Mathieu Beaumont lui-même, qui est le membre masculin de ce couple qui est Tricot Machine. Et on a aussi un robot qui porte fièrement un chandail des Bruins de Boston. Donc, en fait, voilà. Et une belle pochette. Et ce que j'ai remarqué aussi à l'intérieur, c'est qu'il y a des textes, je vous dirais, plus que sur le premier, qui sont signés. Catherine Leduc, donc, qui est la portion féminine de ce duo. Et sinon, le reste des textes sur le premier album était plutôt composé par Daniel Beaumont, qui est le frère de Mathieu. Et il y en a encore, je vous dirais, la moitié qui sont composés par Daniel, mais Catherine qui s'est lancée plus encore dans l'écriture. Et il y a aussi une pièce qui est composée, une pièce en fait de quatre vers, qui est composée par Marc-Antoine Goulet, qui est un musicien du groupe, un guitariste, je crois. Et il y a également une pièce qui est écrite par Stéphane Lafleur, qui est celui qui écrit les textes également pour la formation Avec Podcast, avec pas de casque. Et c'est aussi donc un musicien cinéaste, parce que c'est à lui qu'on doit l'excellent film Continental, un film sans fusil. Et donc c'est ça, ils leur ont demandé de composer une pièce pour eux et il l'a fait. Donc la pièce se nomme Une bûche après l'autre. Et si je me souviens bien, c'est un peu imagé, donc ça parle de la mort un peu, je crois. Donc il me semble que j'ai lu ça en quelque part par rapport à la sortie de ce deuxième album, La Prochaine Étape de Tricot Machine. Et je pense que vous comprenez que je suis bien heureuse de cette sortie de disque, puisque j'en parle beaucoup. Et on va l'entendre une pièce de la formation du trio Au revoir Simone. On va l'entendre la pièce Dark Halls sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Facile à dire, impossible à faire. Fallait pas éteindre mes lumières. On vient d'entendre Michel O avec la pièce « Assise dans ma tête », une autre artiste qui participe au Francouverte, donc ce concours de l'alternative musicale francophone qui se déroule au Lion d'Or jusqu'au 3 mai. Et c'est toujours les préliminaires. Elle était à l'affiche la semaine dernière, si je ne m'abuse, oui, donc le 8 mars. Et ce soir, notre programmation à l'affiche. Donc, rendez-vous au www.francouverte.com pour plus de détails. Et on se quitte de notre côté avec une dernière pièce avant de se donner rendez-vous lundi prochain, le 22 mars, à 15h, pour une autre émission de Chérie m'écoute-tu. Mon nom est toujours Sophie Laforêt, bien sûr, et je vais vous rappeler, avant de vous annoncer la dernière pièce, que vous pouvez consulter le blog de l'émission, soit le www.sophieaimelamusique.blogspot.com, et j'ajouterai donc des liens dont j'ai fait mention durant l'émission, dont des vidéos de la formation française Mondrian, dont il était question au début d'émission, avec des vidéos que je trouve très chouettes. Donc, vous pourrez aller voir ça cette semaine en attendant la prochaine émission. Et on va se quitter avec deux artistes que j'affectionne particulièrement, soit donc la voix principale Charlotte Gainsbourg et Beck, puisque la pièce dont il est question, Heaven Can Wait, a été produite et réalisée par Beck, donc avec Charlotte Gainsbourg qui chante cette pièce. Et en revenant donc de cette pièce-là, il y aura une pause et ensuite, Kiwan et Mathieu vous attendent pour Assemblage requis. Donc ça commence ça à 15h sur les ondes de C'est fou. 89.1 FM.